الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، comme vous l'avez vu dans le titre, le sujet de cette courte intervention est cette maladie, ce nouveau coronavirus, ou bien COVID-19, qui s'est aujourd'hui propagé dans grand nombre de pays du monde, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver, ainsi que l'ensemble des musulmans où qu'ils se trouvent. Nous allons donc parler de l'origine de cette pandémie et des moyens d'y remédier. Mais avant de commencer, je tiens à souligner que, comme vous le savez, je ne suis ni un spécialiste en médecine, ni un spécialiste en virologie ou autre. Donc mon regard, il ne va pas se porter sur ce virus d'un point de vue médical, mais il va plutôt se porter sur celui-ci d'un point de vue religieux, à travers les textes du Coran et les textes de la Sunna du messager d'Allah, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs de mes frères, parmi les prédicateurs francophones, ont déjà donné des cours et des conférences très profitables à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Mais ce qui m'a poussé à faire cette intervention, c'est le nombre grandissant de messages que je reçois de certaines personnes au sujet de ce virus et de cette épidémie, ainsi que de son origine. Comme moi, vous avez certainement entendu que ce coronavirus serait d'origine animale et qu'il proviendrait de la chauve-souris ou du pangolin qui sont présents sur les marchés en Chine où sont apparus les premiers cas de ce nouveau coronavirus chez l'homme. En parallèle de cela, on voit certaines personnes qui transmettent un certain nombre de rumeurs qui circulent en masse sur les réseaux sociaux. Certains disent que le virus s'est échappé d'un laboratoire, d'autres parlent d'une guerre biologique menée par tel ou tel pays afin de diminuer la population mondiale, certains accusent les Chinois, d'autres accusent les Américains, et ainsi de suite parmi les théories et autres conjectures que l'on a pu entendre ces derniers jours. Et ce que je souhaite ici, c'est avertir mes frères et sœurs que le fait de nous focaliser sur ce genre d'informations et le fait d'y donner de l'importance, cela nous détourne et nous distrait de ce sur quoi notre attention doit se porter. À supposer qu'une de ces théories soit confirmée, ceci ne doit pas inquiéter le croyant en réalité, ni même le préoccuper. Car le croyant, il a la ferme conviction que quoi qu'il arrive, tout ceci est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne peut se produire dans cet univers sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans sa célèbre recommandation à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, sache que si l'ensemble des gens se réunissaient pour te nuire par une chose, ils ne pourraient te nuire que par une chose qu'Allah a écrite contre toi. Donc telle doit être la aqida, la croyance qui doit être ancrée dans le cœur de tout croyant ayant foi au destin et ce qu'il soit bon ou mauvais. À partir de là, une fois que l'on a recentré notre regard sur ce qui est important pour le croyant, nous pouvons nous pencher sur l'origine réelle ou la vraie cause de cette épidémie, ainsi que toute épreuve ou toute maladie qui peuvent atteindre le serviteur dans ce bas monde. Et ceci nous a été clarifié explicitement dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les gens ont commis de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Donc ceci est le verset 41 de la sourate Ar-Rum, les Romains. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe explicitement de la cause de l'apparition de la corruption sur terre. Et les savants du tafsir ont expliqué que la corruption, elle désigne ici les différentes calamités qui peuvent atteindre l'homme dans sa vie d'ici-bas, comme la sécheresse, la diminution des biens, la diminution des récoltes, mais aussi les maladies et les épidémies, et c'est cela qui nous intéresse ici. Donc les maladies et les épidémies, elles sont apparues sur Terre à cause de quoi? À cause de ce que les gens ont commis de leurs propres mains. Peu importe que la maladie soit d'origine animale, peu importe qu'elle soit le résultat de l'intervention de l'homme, peu importe que ce soit un complot de telle ou telle organisation, et ainsi de suite parmi les choses que l'on entend. Ce qui importe le croyant, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement mentionné dans son livre. La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les gens ont commis de leurs propres mains. C'est-à-dire à cause de leurs péchés, à cause de leur mécréance, à cause de leur polythéisme, à cause de leur éloignement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de la perversion des valeurs morales, à cause de la propagation ouverte des turpitudes au sein des sociétés, et ainsi de suite parmi les péchés qui sont répandus aujourd'hui parmi les gens. Ceci est l'origine de l'apparition des maladies et des épidémies sur Terre. Que ce soit le nouveau coronavirus ou toute autre maladie parmi celles qui sont apparues ces dernières années. Tout ceci est la conséquence des péchés commis par les hommes. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela dans un hadith rapporté par Ibn Majah et jugé bon par Al-Albani, rahimahumallahu ta'ala. D'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un long hadith, la turpitude n'apparaît jamais dans un peuple au point qu'il la commette ouvertement sans que se propage parmi eux la peste et les maladies que leurs ancêtres n'ont pas connues. Subhanallah. Vous voyez que ce hadith est très explicite à ce sujet. Et c'est un signe de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez les péchés, et plus particulièrement les turpitudes, comme la fornication, les relations hors mariage, et ainsi de suite, parmi les choses qui sont malheureusement aujourd'hui banalisées chez beaucoup de gens, et même parmi certains musulmans. Au point que ces choses sont commises ouvertement, et ce sans aucune pudeur, ni aucune gêne devant Allah subhanahu wa ta'ala, ni même devant les gens vertueux. Et quelle est donc la conséquence de cela? La conséquence, c'est l'apparition de maladies qui n'étaient pas présentes auparavant. Et la situation actuelle, elle témoigne clairement de cela. Il y a aujourd'hui ce nouveau coronavirus, et avant cela, de nombreuses nouvelles maladies qui sont apparues seulement ces dernières années. Et tout ceci en guise de sanctions pour les serviteurs, à cause de quoi? À cause de leurs péchés. Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir qu'il nous rétribue pour nos œuvres. Si elles sont bonnes, alors la rétribution sera bonne. Mais si elles sont mauvaises, alors la rétribution sera mauvaise et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et ceci est une part de la rétribution pour les mauvaises œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait goûter à ses serviteurs dans ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait rien en vain. Mais il y a derrière cela une sagesse immense qui est ce sur quoi doit se concentrer le croyant. Et cette sagesse, elle nous est mentionnée à la fin du verset. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Peut-être reviendront-ils. C'est-à-dire, peut-être reviendront-ils vers Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être vont-ils se repentir de ces mauvaises œuvres qui ont été la cause de ce châtiment, la cause de cette calamité ou de cette épidémie et de cette maladie. On voit donc à travers ce verset que l'origine de l'épidémie, ce sont les péchés commis par les hommes. Et le moyen d'y remédier, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'un repentir véridique afin qu'il dissipe cette épreuve. Par contre, attention, ceci ne veut pas dire qu'en parallèle, tu ne dois pas accomplir les causes légitimes parmi les causes physiques, comme le fait de respecter les mesures d'hygiène, de respecter les mesures de confinement qui sont imposées aujourd'hui par nombre de gouvernements. Tout ceci, cela fait partie des causes légiférées qui ne s'opposent pas à la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui doivent être accomplies par le croyant. Mais je souhaite que notre regard, il ne se limite pas à cela, mais qu'il aille au-delà de cela et que l'on comprenne bien que celui qui a décrété cette épreuve, de par sa sagesse immense, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul à pouvoir dissiper cette épidémie et à nous préserver de cette maladie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Donc ce qui est attendu de nous en cette période d'épreuve, en cette période d'épidémie, c'est notre repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Que chacun d'entre nous se remette en question et revienne sincèrement et véridiquement à Allah subhanahu wa ta'ala, en empruntant le chemin de la droiture, en se soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant ses interdits. Nul parmi nous n'est à l'abri des péchés. Aussi vertueux soit l'homme, il reste toujours loin de la perfection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout enfant d'Adam fait des erreurs, et parmi ceux qui font des erreurs, les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Il ne faut donc pas que tu te laisses leurrer par le diable et que tu penses que le repentir, il ne concerne que les autres. Ou alors qu'il ne concerne que ceux qui font des péchés qui sont en apparence plus graves que tes péchés. Mais le repentir, il est attendu de tous, des hommes et des femmes, des grands et des petits, de toi et de moi, ainsi que de l'ensemble des musulmans. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin d'obtenir le succès. Et méditons ensemble sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ » Nous avons certes envoyé aux communautés avant toi, c'est-à-dire des messagers, et ils ont démenti ces messagers et ne les ont pas suivis. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse, c'est-à-dire par des calamités. Comme quoi? Comme la pauvreté ou les maladies. Pourquoi? لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Afin qu'ils implorent, c'est-à-dire qu'ils implorent l'aide et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset est donc un encouragement pour les serviteurs à implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala lors de l'apparition des calamités comme les maladies ou autres. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Pourquoi donc, lorsque notre châtiment leur vint, n'ont-ils pas imploré? Comme on a dit, pourquoi n'ont-ils pas imploré la miséricorde et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais leur cœur était endurci, et le diable enjoliva à leurs yeux ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés leurrer par le diable, au point de penser que leur situation était bonne et qu'ils étaient sur la vérité. On ne doit donc pas se laisser leurrer par le diable. Chacun d'entre nous doit être conscient de ses manquements. Chacun d'entre nous doit être conscient de ses péchés. Et chacun d'entre nous doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a commis des actes de mécréance, il est temps pour lui d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'entrer en islam. Celui qui négligeait sa prière ou qui n'accomplissait pas sa prière en son temps, il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et être assidu à chacune de ses prières obligatoires en les accomplissant en leur temps et profiter de cette période de confinement pour apprendre ou pour revoir les règles de la prière. Et ce afin de l'accomplir d'une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Celui qui a commis des injustices, c'est le moment pour lui de réparer ses injustices. Celui qui a dénigré les musulmans, c'est le moment pour lui de réparer cela et de leur demander pardon. Celui qui a commis du tort à un de ses frères, c'est le moment pour lui de réparer cette injustice, de demander son pardon, puis de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de cette injustice. Celui qui a commis certains interdits, qui commet certains péchés, que ce soit par négligence ou par suivi des passions, il doit alors se remettre en question et les délaisser et se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite parmi les péchés que la personne peut commettre. Chacun d'entre nous revient à Allah subhanahu wa ta'ala et implore son pardon afin qu'il nous préserve de cette épidémie et de cette maladie et qu'il dissipe cette épreuve. Donc comme vous le voyez, le repentir et l'istighfar, l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les plus grandes causes religieuses pour être préservé et pour dissiper cette épidémie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah ne va point les châtier alors que tu es parmi eux. Et Allah ne va pas les châtier alors qu'ils demandent pardon. On trouve dans le tafsir de ce verset des récits attribués à Abdullah ibn Abbas et Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhum. Dans le sens rapproché, il y avait parmi vous deux sources de sécurité, c'est-à-dire deux sources de protection contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'imploration du pardon d'Allah. En effet, la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens, c'est une cause pour les préserver du châtiment. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais châtié un peuple alors qu'il y avait leur prophète parmi eux. On peut méditer à ce sujet sur l'histoire de Noé alayhi salam, qui a construit le bateau et qui a été épargné du châtiment qui a été infligé à son peuple. Également Lot alayhi salam, qui est sorti de sa ville avant que les gens de sa ville ne soient frappés du châtiment. Et également Moussa alayhi salam, qui a traversé la mer et qui est passé de l'autre côté de la rive, et Pharaon et son armée ont été noyés. Donc la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une source de sécurité pour les musulmans. Et la deuxième source, c'est quoi? L'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc dit, quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus là, mais il reste l'imploration du pardon jusqu'au jour de la résurrection. On doit donc multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, se repentir à lui, afin qu'il nous préserve de son châtiment, afin qu'il nous préserve de cette maladie et de cette épidémie, et afin qu'il dissipe cette épreuve de la communauté. J'espère donc qu'à travers ces textes, vous aurez compris que ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si cette maladie est le résultat d'une intervention humaine ou d'un complot ou autre. Mais l'urgence pour nous, c'est de nous préoccuper de nos propres situations, de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous repentir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui a créé et décrété toutes choses. Bien sûr, comme vous le savez, le repentir a des règles et l'un des conditions pour être accepté. C'est pour cela que je vous invite à écouter un cours que j'ai donné sur ce sujet et dont vous trouverez le lien en description, en dessous de la vidéo. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cette maladie, ainsi que l'ensemble des musulmans et des musulmanes. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir nos malades et de faire miséricorde à nos morts. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.